batterie est morte. Putain, décidément, ces instruments. Qui c'est qui a une pile 9 volts? Call me synth. Non mais moi je suis nul. But Thank you. Oh putain, ça a craqué. Mes connexions. Allez, on recommence. 2, 4.